بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنقرأ هذا الكلام المفيد العلمي للإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في ما يتعلق بأحكام شهر شعبان مختصر كلام مختصر ستغيد خطبة بيان أخلاق الأخلاق السامية من الآداب الإسلامية الحث على الإكثار من الصيام في شعبان إلى آخره. Une خطبة de Cheikh Ibn Uthaymeen et il a résumé en 6 points des choses importantes concernant le mois de Sha'ban. Et ce mois il est important. Ce mois il est important. لماذا؟ لأن il y a des choses qui sont recommandées أي من حيث العمل comme le صيام, le jeûne. Et كذلك بعض الناس ils ont innové كثيرا في هذا الشهر هكذا الأشهر qu'ils ont des فضائل كثير من الجهال ils font des innovations que ce soit في رمضان que ce soit في شعبان on a ولله الحمد à l'époque on avait fait une kalima مع بعض الإخوان sur les erreurs qui sont propagées في رمضان et on l'avait propagé ولله الحمد كذلك on avait fait une kalima معكم أظن في بدع الشهر رجب Et اليوم نقرأ هذا الكلام دي شغل عثيمين إلى مفيد قال رحمه الله أيها المسلمون فإننا في شهر شعبان وسنتكلم حوله في نقاط ست لنبين فيها ما يجب علينا بيانه ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا شغل عثيمين رحمه الله إذا سيتي سيبون Six points concernant le mois de Sha'ban. Le premier point, قال النقطة الأولى صيام شهر شعبان. أي le fait de jeûner durant ce mois. قال رحمه الله هل يتميز شعبان بالصيام دون غيره من الشهور؟ Il pose cette question. Est-ce que Sha'ban, est-ce que c'est bien de spécifier Sha'ban بالصيام؟ قال شيخ ابن عثيمين الجواب نعم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه حتى كان يصومه إلا قليلا وهذا وعلى هذا من السنة أن يكثر الإنسان الصيام في شهر شعبان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم premier point أن النبي صلى الله عليه وسلم يجنى beaucoup le mois de Sha'ban كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم أي النبي صلى الله عليه وسلم faisait beaucoup الصوم durant ce mois أو سيأتي ذكر شهر شعبان وفيني قال وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم bien sûr il jeûnait le mois de Ramadan complet et Parmi les mois où il jeûnait le plus, c'était le mois de Sha'ban. Alayhi salatu wassalam. Muttafaqun alayhi. Wallah li muslim. Et Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah, fi kitabihi, la ta'if al-ma'arif, fi ma li mawasim al-am min al-wada'if. Hada al-kitab il est nafis, jiddan. Al-haqiqa, chaque talib ilm, il doit avoir mis hada al-kitab. Hada al-kitab, il l'a appelé, rahimahullah, la ta'if al-ma'arif. L'auteur, c'est l'imam ibn Rajab, rahimahullah. Sahib Jami al-Ulum al-Hikam, l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et il en a rajouté 8, ça fait 50 hadiths. Il les a expliqués fi Jami al-Ulum al-Hikam. Et il a beaucoup d'autres livres, rahmatullah alayh. Et ce livre, la ta'if al-ma'arif, fi ma li mawasim al-am min al-wada'if. Et ce mujallad que vous voyez là, chaque mois, il cite Qu'est-ce que tu dois faire comme adoration durant ce mois? Et ce mois, il a été spécifié par quoi? Et qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Maintenant, il a commencé par le mois de Muharram. Dans le mois de Muharram, il y a quoi? Il y a quel jour? Il y a Ashura. Il explique tout ce qui est lié à Ashura. Tous les mois, maintenant le mois de Ramadan, ça prend une grosse partie du livre, il explique tout ce qui est lié au mois de Ramadan. Min siyam wa min i'tikaf ila akhir laylat al-qadr. Le mois de Sha'ban, il a cité beaucoup de hadith fi siyam et le nabi sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait la plupart du mois alayhi salatu wa sallam et il met en garde كذلك contre les innovations enfin ce livre il est tayyib les 12 mois de l'année de Muharram jusqu'à Dhul Hijjah et il explique comme a dit فيما لمواسم العام من الوظائف. فالوظائف أي لموا سموا كيس كي تو دوا فير دون سموا كوم عبادات اي تو دوا فير اتونسيون ا كوا فاس ان كتاب نفيس سي اون ريفيرونس ديك تو ان سوجي ا تريتي كونسيرنون ان موا مثلا رمضان ذو الحجه باغ اكزومبل الى سيتي تو سكي لي وحج فيو كو ذو الحجه هي عباده عظيمه سي الحج شوال الى سيتي مثلا لي 6 جور دو موا شوال اي ليكسبليك فاس اون ريفيرونس دون سو ليفر اون با با سيتي بوكو دو احاديث لان الوقت ذهب. Lakin, on a cité, walillahi alhamd, la référence. Donc, l'ikthar, jeûner beaucoup durant ce mois, c'est tayyib. Fal insan qui fait des efforts et qui jeûne beaucoup, c'est sunnat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est le premier point. Deuxième point. Au qabla hala, on cite les hikam. Ba'd al-ulama yaqouloun, anna al-hikma, c'est al-tamarrun. Et c'est pour s'habituer avant Ramadan. لماذا لان الانسان ربما تطلاني لا با بوكو جوني اي افون رمضان سي الانسان يغبرون لابيتود اي بيان سور تعبدا لله اون اسبيرون لا ريكومبونس فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجوني بوكو افون. بعض العلماء يذكرون هذا كذلك بعض العلماء يذكرون ان الحكمه ان شهر شعبان يغفل عنه الناس لوقوعه بين شهرين عظيمين رجب ورمضان. في الحقيقه هي حديث في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث العلماء اختلفوا وبعضهم يضعفه الإمام الألباني رحمه الله إلا صحح كما في صحيح سنن النسائي أي سأموا. وبعض الناس sont في غفلة pourquoi Les Anna, il entre au Rajab et Ramadan. Et les gens, avant Ramadan, ils se préparent tous pour Ramadan. Et ils oublient de faire des efforts fi Ja'ban. Fal Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des efforts. Ba'd al-ulama yadhkurun, il cite cette sagesse par rapport au fait que c'est recommandé de jeûner. Wallahu a'lam. Et l'imam al-San'ani rahimahullah, قال ويحتمل أن يصومه لهذه الحكم كلها. نعم. Et pour reprendre l'habitude, pour celui qui ne faisait pas beaucoup de siyam, et celui qui a l'habitude de faire siyam, l'annabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Azam hikmah, la plus grande des sagesses, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Et nous, on espère la récompense. Deuxième point, qala siyamu yawmin nasf min sha'ban. Ba'du annas, il spécifie le 15e jour. La moitié de sha'ban, ce jour, il le jeûne. Et il pense que c'est une sunna. قال شيخ ابن عثيمين صيام يوم النصف بخصوصه وردت فيه حديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها. Il y a des hadiths في هذا لكن c'est des hadiths faibles. Et le 15e jour de Sha'ban. قال لأن كل شيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به لله. Et ça, c'est une règle que chaque musulman doit comprendre. On doit faire attention aux sentiments et aux passions. Vu que Sha'ban, c'est un mois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné de l'importance et il faisait beaucoup de siyam. Et on dépasse les limites et on spécifie un jour. Le fait de spécifier ce jour, c'est l'innovation. Limada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça serait bien de le spécifier, il aurait jeûné que le 15. Ça montre qu'un insan, il fait des efforts dans le mois de Sha'ban. Elle m'a spécifié que le 15 et pensé qu'il y a une récompense spécifique pour ce jour, c'est l'innovation. Et celui qui le jeûne, il est athim. Et à la kulli hal, il n'a pas de récompense. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan, laysa alayhi amruna fahuwa rat. Celui qui fait une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas faite, son œuvre, elle est rejetée. On doit enseigner, propager aux croyants cette base. Anna al-ibada, elle a deux conditions. La sincérité, on l'a fait que pour Allah Azza wa Jal, comme taqaddam ma'ana dans notre dars de Kashf Shubuhat. Et la deuxième condition, on doit suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Il y en a ceux qui spécifient le 15e jour. Qui c'est qui leur a dit que c'était mieux? Pourquoi on ne spécifie pas maintenant le 27? Ou wahed, il va dire le 10. Ou wahed, il va dire le 1er. Pourquoi? Léanna, notre dîn, il est fondé sur le suivi. Léanna, si on invente, Fawahid, il va dire le 15, c'est mieux. Un autre, il va dire le 13. Un autre, il va dire le 20. Et on se divise comme ils se sont divisés al-Yahoud ou al-Nasara, les juifs et les chrétiens. Qatalahumullah. On doit faire attention à ça. On est une ummah, ummat Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bil qawl wa bil fi'l. Et quand on dit ashhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on doit le suivre. Amma inventer des choses, falima. Celui qui veut faire du khayr pendant Sha'ban, qu'il jeûne. Ne spécifie aucun jour en pensant que c'est mieux là. Jeûne le premier, jeûne le 2, tu peux pas. Jeûne le 5, jeûne, tu fais le lundi et le jeudi. Fais le 13, 14, 15, ayyam al-bayt. Si tu peux faire 10 jours, 20 jours, fais-les, alhamdulillah. Même si tu fais 15 jours, t'es à la khayr. Lakin, ne pense pas que c'est mieux tel jour. Ça, c'est l'innovation. Ça, c'est le deuxième point. Et il est clair. Qala nuqtatu thalitha. Fadlu laylatin nisf min sha'ban. Pensez que la nuit du 15, kadhalik, c'est bien de faire qiyam al-layl. Et il a spécifié qiyam al-layl, c'est bien toute l'année. Lakin, pensez que la 15e nuit, elle a un fadl, elle est valorisée, elle a un bienfait que les autres nuits n'ont pas. Mathalan, comme la nuit du destin, hada kadhalik, c'est l'égarement. La nuit du destin, pourquoi les musulmans font des efforts? Et as-sahih, c'est qu'elle est dans les 10 dernières nuits. Et as-sahih, ou les nuits où on espère le plus, c'est les nuits impaires. Et une des nuits où on espère le plus, c'est le 27. Et as-sahih, la nuit du destin, c'est qu'elle se déplace. C'est pour ça que le musulman, on essaye de faire des efforts les 10 dernières nuits. Celui qui fait les efforts les 10 dernières nuits, forcément, inshallah ta'ala, il aura fait qiyam al-layl, la nuit du destin. On a des adil, on a des preuves, des hadiths, sahih al-Bukhari, il a akhiri, sahih muslim. Amma la nuit du 15, famine, il y a un dalil, lakin il est daif. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, fadlu laylatin nisf min sha'ban waradat fiha hadith daif la tasih anin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala hadha fa laylatin nisf min sha'ban ka laylatin nisf min rajab aw min rabi' aw min jumada aw min ghayrihinna min ash-shuhur la tamtaz hadhihi al-layla a'ni laylatin nisf min sha'ban bil-shay بل هي كغيرها من الليالي لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. Tout ça c'est des hadiths ضعيفة. Même si certains savants ils les ont hassan, الصحيح c'est que le قول des أئمة, des imams de la Sunna qui ont ضعف ce hadith. Enfin, la moitié de Sha'ban, que ce soit la nuit ou la journée, il n'y a aucune différence avec les autres jours. Le mois de Sha'ban entier c'est bien de jeûner, amma la nuit ça reste comme les autres nuits. Ça reste comme les nuits de toute l'année. قال النقطة الرابعة. Et ça suit la troisième. تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام. Et on l'a cité. Le point précédent c'était sur le jeûne. Le point numéro 4 c'est sur veiller la nuit en salat. Et faire قيام الليل. هذا كذلك يا فدلي. قال تخصيصها بقيام بدعة. لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص تلك الليلة بقيام بل هي كغيرها من الليالي. C'est comme les autres nuits. Ça veut dire quoi هذا? Ça veut dire que tu as le droit bien sûr de faire قيام الليل. مثلا واحد il a l'habitude. Il a l'habitude de faire قيام الليل toutes les nuits ou de temps en temps. Si il est motivé ولله الحمد et il fait قيام الليل la nuit du 15, c'est permis. Là qu'il l'a spécifié. مثلا بعض الناس il faut pas قيام الليل شعبان. ثم la nuit du 15, c'est comme la nuit du destin. C'est comme les 10 derniers jours de Ramadan. Et Tarawih. Bardom, ils se rassemblent, bardom, ils font chez eux, bardom, ville massagide. Tout ça, c'est minel bid'ah. Cinquième point. هل يكون تقدير القضاء في ليلة النصف من شعبان? كذلك بعضهم, ils ont cette عقيدة. أن la 15e nuit, ou la moitié du mois de شعبان, la nuit de la moitié, نصف شعبان, ils pensent que c'est la nuit وفيها نعم أن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها الأشياء. Et ça, في الحقيقة c'est ليلة القدر. هؤلاء يبنس que ليلة القدر c'est la 15e nuit de شعبان. وهذا c'est باطل. قال الشيخ ابن عثيمين لا ليست ليلة القدر. ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تأمل الاستدلال. Suis bien comment Cheikh Ibn Uthaymeen il va démontrer la nuit du destin c'est forcément في رمضان. الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر أي on a fait descendre ce Coran la nuit du destin. Et on a déjà expliqué أن الله سبحانه وتعالى il a fait descendre إلى السماء الدنيا وإلا في القرآن il est descendu petit à petit durant toute la vie du prophète صلى الله عليه وسلم لكن la nuit du destin il est descendu entier jusqu'à سماء الدنيا فقال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر donc ça montre que ليلة القدر c'est la nuit où le Coran il a été révélé. Dans un autre verset, قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ça montre que cette descente et la nuit du destin, c'est durant le mois de Ramadan. Si on prend les deux versets. قال شيخ ابن عثيمين وعلى هذا فتكون ليلة القدر في رمضان. Ça y a aucun doute. Il y a des أقوال شادة ضعيفة أنها في شعبان ou dans un autre mois. Et الصحيح قول عامة العلماء أن ليلة القدر elle est في رمضان. Et الصحيح c'est qu'elle est dans les 10 dernières nuits. C'est ça الصحيح. فلهذا المسلم doit faire des efforts pendant tout le mois de Ramadan في التراويح et les 10 dernières nuits أكثر et encore plus les nuits impaires. Sixième point. نقطة السادسة صنع الطعام يوم النصف من شعبان. بعضهم كذلك يبحتك. C'est une coutume في الحقيقة. Ils ont trouvé leurs ancêtres, leurs parents dans leur pays, dans leur village, ils faisaient هذا et ils le font. Et ça, c'est une erreur. Notre dîn, il n'est pas fondé sur les coutumes. Notre dîn, il n'est pas fondé sur ce que nos parents, ils ont l'habitude de faire. Notre dîn, il n'est pas fondé sur les rêves. Là, celui qui prétend que la moitié de Sha'ban, le 15e jour, il y a un fadl, donc on doit jeûner spécifiquement, et la nuit, on doit faire un repas, l'emmener au masjid et la akhir, c'est du dîn. Si on lui demande, est-ce que tu veux te rapprocher d'Allah par ce fi'l en faisant cela, il va dire oui, donc c'est une adoration. On lui demande un délil, une preuve. Un deuxième, demain il va venir, il va nous dire le 27 de Sha'ban, comme ils ont fait le 27 de Rajab. Le 27 de Rajab, il y en a, ils font cette bid'a. Ben, ils la font hatta vi Ramadan. Pardon, ils pensent que le 27, ils font emmener un repos au Majid et l'Akhir. C'est une bid'a. Le 27, awwalan, c'est pas forcément la nuit du destin, à la sahih. Deuxièmement, le 27, vu que c'est une nuit ou que c'est fortement possible que c'est la nuit du destin, on doit faire des efforts dans l'adoration. Après l'Aïcha, ils font 2 rak'at ou 4 rak'at. Thumma, ils emmènent le repas, ça met extrêmement de temps. Thumma, le temps de poser au masjid, et le masjid, c'est pas fait pour cela, le masjid, c'est pas fait pour manger. Kadhalik, le temps de nettoyer, le temps de remettre le masjid comme il faut, le temps que l'imam y revienne, il perd 2, 3, 4 heures. Alors que c'est la nuit du 27. Là, la nuit du 27, l'insan, il essaye de manger après le maghrib. Il mange après le maghrib et il mange pas beaucoup. Hatta, il est pas faqir. Il va au masjid pour les hommes, il fait l'isha et yatawakkal Allah, il fait des efforts le plus possible. S'il peut jusqu'au fajr, c'est une nuit. La nuit du 27, on répète, nahnou, les efforts, c'est pas que le 27. Lakin, cette nuit, on essaie de faire le plus d'efforts. Et si l'insan a besoin de manger, nahm. Imma, il a emmené quelque chose avec lui au masjid, s'il fait le qiyam au masjid. Imma, il retourne chez lui, il mange, il revient. Alhamdulillah, Imma spécifie un repas. C'est pas un mariage. Là, c'est pas une walima. C'est une nuit pour l'ibad. Le Nabi sallam, il a spécifié pour salat. As-salaf, kadhalik. Lakin, andru al-bida'. Pourquoi? Oula, tu trouves, ils ont une bonne intention. Et ils pensent qu'ils sont joyeux. C'est pour ça qu'ils font cela. Lakin, notre dîn, c'est pas fondé sur les sentiments, sur les passions. Je suis joyeux, je fais un repas. Là, والله المستعان. فقال شيخ ابن عثيمين إن بعض الناس يصنع طعاما في يوم النصف من شعبان يوزعه على الفقراء ويقول هذا عشاء الأم هذا عشاء الأب. كذلك البعض ils n'emmènent pas au masjid, lakin ils font un repas spécifique pour les pauvres et ils disent ça c'est pour une sadaqa pour le père, pour la mère. Spécifier ce jour, c'est pas une sunna. Tu as le droit de faire une sadaqa pour ton père, pour ta mère, nourrir des pauvres. Spécifie pas un jour dans l'année, là. Ça soit fait Ramadan, ça soit fait Sha'ban, ça soit fait Rajab. Fais du khayr. Le fait de spécifier, vous avez remarqué, c'est le bid'a. C'est l'innovation. Pourquoi? Les annas, c'est le rôle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est appuyé par la révélation. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Enfin, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait telle chose, il faut la faire. Telle chose, il ne faut pas faire. Tel jour, il faut faire telle chose. Ce qu'on appelle la sunna. Il est appuyé par la révélation. Amma ana wa ant. On n'est pas appuyé par la révélation. Nahnu, qu'est-ce qu'on doit faire? Suivre. Et tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wa qala alayhi salatu wassalam alaykum bis sunnati. والسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجد. Nous, c'est ça qu'on doit faire. Obéir, suivre, s'accrocher à la sunna et ne rien rajouter. Ce que tu rajoutes, akhi al-muslim, i'lam, c'est pas accepté. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Ça, c'est pas Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. C'est pas ma parole à moi. C'est la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Celui qui invente, dans notre riwaya, man amila, celui qui fait cette chose inventée, les deux, que ce soit celui qui l'invente ou celui qui l'a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال فهو رد. Et son œuvre, elle est rejetée. Elle est rejetée. Allez, on doit faire attention, on ne doit pas perdre nos forces dans les innovations. Ils perdent leurs forces, ils utilisent de l'argent, ils vont à droite, à gauche, dans des choses qui ne sont pas légiférées, ils n'ont pas de récompense. S'ils sont ignorants, peut-être leur ignorance, s'ils ont vraiment une excuse, ils n'ont pas de péché à cause de leur ignorance. S'ils sont ignorants, bien sûr, ils ne rejettent pas la vérité. Amma, avoir des hassanat, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le bid'ah, abadan. Dernier point, on a fini كلام شيخ ابن عثيمين باختصار قال رحمه الله هذه ست نقاط احصيتها ولعل هناك اشياء اخرى لا ادري عنها ووجب علي ان ابينها لكم واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن ينشرون السنه وينذرون عن البدعه. صح طيب انظروا تواضع الشيخ ابن عثيمين لا ادري عنها الى دينا انه الى سيت سيس بوين peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il ignore ou qu'il a oublié. Thumma, il a montré, c'est une obligation pour nous, si on sait, de propager. Montrer aux gens, telle chose c'est une innovation, telle chose c'est une sunna. Celui qui accepte, alhamdulillah. Celui qui rejette, wa ma alayna illa al-balagh. Maintenant, on montre. Celui qui accepte, alhamdulillah. Celui qui n'accepte pas, on espère l'ajr min Allah. Un point que Cheikh Ibn Uthaymeen il n'a pas cité ou qu'on peut rajouter, Al-Hafid ibn Rajab, il l'a cité, rahimahullah. Anna hunak hadith, on revient au premier point sur le jeûne. Anna Abu Hurayra radiyallahu anhu, qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idhan tasafa sha'ban, fala tasumu hatta ramadhan, wa sahahu at-tirmidhi wa ghayru. Ba'd ulama yisahha hada al-hadith. Idhan tasafa sha'ban, quand tu arrives à la moitié de Sha'ban, ne fais plus le jeûne. Le mashrou', c'est du 1er au 15. Par rapport à ce hadith, du 1 au 15. Après le 15, il ne faut plus jeûner. Ce hadith, بعض العلماء l'ont sahah, comme a dit Al-Hafid ibn Rajab, on peut citer l'imam al-Tirmidhi, et كذلك l'imam Abu Dawood, il l'a rapporté, كذلك l'imam ibn Majah, et بعض العلماء يصححون أو يحسنون هذا الحديث. لكن قال ابن رجب واختلف العلماء في صحة هذا الحديث. الخلاف إلى depuis l'époque l'imam Ahmed, l'imam Abu Dawood, l'imam Tirmidhi la sahah, l'imam Ahmed, vous allez voir qu'il a ضعف. Et كذلك العلماء de notre époque اختلف. قال واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به. Deux choses, deux points. Sur al-sihha, ils ont divergé. Est-ce qu'il est authentique comme là? كذلك ils ont divergé sur comment l'appliquer avec la compréhension du hadith, même s'il est sahih. قال فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر. Il a cité des imams de la sunna الآن qui ont صحح هذا الحديث. قال وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم. أما الحفاظ الكبار qui ont un rang plus élevé que ces imams في الحديث فكثير من هؤلاء ils l'ont ضعف. قالوا وقالوا هو حديث منكر منهم عبد الرحمن ابن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وقال والأثرم وقال الإمام أحمد لم يروي العلاء حديثا أنكر منه. يا أن رابورتور دون إسناد يسابل العلاء سان ثقة كما قال الإمام أحمد رحمه الله دون زين أوتخ رواية إلى دي مونتخ سان ثقة لكن سي حديث كي لا رابورتي سيت ناراسيون كي لا سيتي إلي منكرة ضعيفة. لماذا؟ لأن الأئمة ils l'ont pas rapporté. Il y a que lui qui l'a rapporté et كثير من الحفاظ ils l'ont pas accepté. عبد الرحمن بن مهدي c'est un imam, c'est un حافظ, il est à l'époque de l'imam Ahmed. الإمام أحمد رحمه الله imam أهل السنة à son époque. أبو زرعة c'est un حافظ كبير. فهؤلاء ils ont rejeté ce hadith. قال ورده بحديث لا تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين. Le hadith il est taqaddam ma'ana fi 'umdat al-ahkam, quand on a expliqué le chapitre du siyam. Il est fi sahihayn. لا تقدموا رمضان بالصوم يوم ويومين. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit ne devancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux. وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه. الإمام الأثرم il a démontré qu'il y a beaucoup de hadiths في الصحيحين et autres qui sont authentiques, ils contredisent ce hadith. Donc il a montré qu'il était ضعيف. قال يشير إلى حديث الصيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ووصله برمضان. On a cité hadith عائشة رضي الله عنها في الصحيحين et on a cité l'avd muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم il jeûnait beaucoup le mois de شعبان. Elle n'a pas spécifié que la moitié là. Donc ce hadith il passe avant. قال فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. La riwaya de Al-Ala est شاذة. Pourquoi? Parce qu'il a خالف des narrateurs qui ont plus de hifd que lui, أوثق منه, et il les a خالف. Donc cette narration elle est شاذة, elle est rejetée, elle est ضعيفة. Malgré que ça reste un imam et c'est un ثقة, c'est une personne de confiance. وقال الطحاوي هو منسوخ. L'imam الطحاوي il a un avis, il a dit que le hadith il est صحيح لكن il a été abrogé. Ça c'est un avis, كذلك, et أحيانًا, dans cette masala, on l'oublie. On l'oublie, هذا. Et certains qui disent qu'il est sahih, ils disent, na'am, il est authentique, la chaîne de transmission, lakin il a été abrogé. Il a été abrogé par quel hadith? La taqaddamu ramadan. Et les hadiths, le Nabi صلى الله عليه وسلم, il jeûnait beaucoup Sha'ban. وحكى الإجماع على ترك العمل به. والظاهر, c'est que certains savants, يعملون به. فينظر هذا الإجماع. L'imam Tahawi, il a rapporté l'unanimité qu'il ne fallait pas appliquer ce hadith, et ne pas jeûner la deuxième moitié, لكن بعض العلماء يقولون بهذا. فلهذا قال الحافظ ابن رجب واكثر العلماء على انه لا يعمل به. هذا اكثر العلماء. Son قول il est plus proche. الحافظ ابن رجب قال la plupart des savants ils disent que ce hadith on l'applique pas. Et celui qui veut jeûner après le 15 il a le droit. بل سن سنة. قال وقد اخذ به اخرون منهم الشافعي واصحابه والنهو عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عاده ووافقهم بعض المتاخرين من اصحابنا. الامام الشافعي رحمه الله الى ان قول que beaucoup des imams du madhhab al-shafi'i ils ont choisi, ils disent que le hadith il est sahih, et ils disent la compréhension du hadith c'est quoi, c'est tu n'as pas le droit de commencer la deuxième quinzaine. Maintenant, celui qui n'a pas jeûné du premier Sha'ban jusqu'au 15. Et il n'a pas l'habitude de jeûner. Lakin, il jeûne à partir du 15. Hada la. Indahum, il ne jeûne pas. Mafhoum. Amma, celui qui a l'habitude de jeûner, ou il a jeûné la première partie de Sha'ban, et il veut appliquer Sunnat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, où il jeûnait beaucoup Sha'ban, fa'indahum, na'am. Il peut jeûner du début jusqu'à un ou deux jours avant Ramadan. Fahada, huwa qawl al-imam al-Shafi'i, et kadhalik, qala. ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا أي من أئمة الحنابلة لأن الإمام ابن رجب سان حنبلي المذهب. قال ثم اختلفوا في علة النهي فمنهم من قال خشية أن يزاد في صيام رمضان ما ليس منه. ثم ils ont démontré pourquoi cette deuxième quinzaine. بعض العلماء en se basant sur le hadith ils disent qu'il est صحيح. Pourquoi s'il est vraiment صحيح, c'est quoi la sagesse pour pas que ça se mélange avec Ramadan. لكن هذا c'est pas صواب. لماذا قال الحافظ ابن رجب وهذا بعيد جدا فيما بعد النصف وإنما يحتمل هذا في التقدم يوم أو يوم بيوم أو يومين. Cette illa, cette sagesse elle est juste, لكن c'est pour celui qui jeûne un ou deux jours avant Ramadan pour pas que ça se mélange avec Ramadan. هذا في الحقيقة la peur que ça se mélange. On applique le hadith de أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. أما la deuxième quinzaine مثلا celui qui jeûne le 16, le 17, le 18, le 19. Est-ce qu'il y a une crainte que ça se mélange avec Ramadan? Abadan. Entre le 20 de Sha'ban et Ramadan, il y a 10 jours. Hada, c'est pas sahih. Ala kulli hal, al-hadith fihi nadar, ay min hayth as-sihha, qawl al-hafidh ibn Rajab, et l'imam Ahmed avant lui, et Abu Zur'a, haoula al-a'imma, incha'Allah, il est akrab, le hadith fihi nakara, il est shad, il est da'if. Et ceux qui disent que le hadith il est sahih, certains savants, la compréhension c'est de ne pas commencer à jeûner à partir du 15. À la Kulihal, vous avez remarqué, ils sont tous d'accord. On a celui qui jeûne beaucoup dans le mois de Sha'ban, au début, au milieu, à la fin, il n'y a aucun problème, il a le droit de jeûner. Hada, wallahu ta'ala a'lam, les références on les répète, la Ta'if al-Ma'arif de l'Hafid ibn Rajab. C'est facile de faire des recherches dans ce livre. Le sommaire, et tu regardes les mois. Mathalan, celui qui veut Hada al-Kalam, tu n'as plus qu'à rechercher le mois de Sha'ban et tu trouveras Hadal Kalam. Et la khutbah de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Enfin, on conseille à nos frères on se conseille à nous-mêmes de faire des efforts fi hadha ash-shahr. C'est une préparation pour Ramadan et c'est min sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pas oublier hadith Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna man sama yawman fi sabilillah. Celui qui jeûne un jour fi sabilillah, que ce soit fi Sha'ban ou autre, un jour fi sabilillah, ab'adallahu wajhahu min an-nar 70 kharifa. Allah subhanahu wa ta'ala, il écarte son visage du feu d'une distance de 70 années. Ça, c'est un fadl azim. On fait des efforts. Toute l'année, normalement. On doit essayer de faire des efforts. Alal aqal, ayyam al-bayd. Le 13, le 14, 15. Un fadl azim. Celui qui jeûne 3 jours par mois, fait l'haqiqa, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Il y en a al-hasana bi ashra amthaliha. Une hasana, ça équivaut à 10 hasana. Celui qui jeûne 3 jours, c'est comme s'il a jeûné 30 jours. Et fil munasabat, les 6 de Shawwal, on n'oublie pas. Sha'ban, on essaye de faire akthar. Et inshallah, on sera à la khair. Ça, c'est un rappel pour nous et pour ceux qui nous écoutent. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad wa l'i'ana. Wa naktafi bihada al-qadr. Et on reprend les doros à partir de mardi, inshallah, dans la risala kashf shubuhat. Hayyakum Allah.